Réponse 31, observation. Place des pronoms personnels, objet direct. Elle te voit. Il la remarque. Il nous ennuie. Elle ne me voit pas. Elle ne le remarque pas. Il ne vous ennuie pas? Vous remarquez que les pronoms sont placés immédiatement avant le verbe. Dans le cas d'une construction négative, le pronom est placé entre « ne » et le verbe.